Chapitre 3e. L'Indien Jacques, son audacieuse évasion accomplie, s'enfonça lentement sous bois en cassant de la main droite quelques menues branches, de façon à laisser une trace presque invisible de son passage. Comme il était sans armes, sans provisions, il serait peut-être forcé de revenir à la rivière, qui pouvait lui offrir plus de ressources que la forêt. Il était en conséquence urgent de pourvoir aux moyens d'en retrouver la direction. Il était à peu près certain d'ailleurs de ne s'être pas trompé sur l'origine du mystérieux signal qu'il avait décidé à brusquer les événements et à jouer son bateau afin de recouvrer sa liberté. Ce signal, employé par les Indiens de l'intérieur pour communiquer ensemble à l'insu des étrangers, lui indiquait à n'en pas douter la présence d'amis inconnus qui depuis longtemps peut-être suivaient la trace de ses ravisseurs. Sa supposition allait bientôt se changer en certitude. Après s'être prudemment avancé à travers les tiges d'arbustes et d'herbes géantes qui couvraient les terrains alluvionnaires bordant la crique, il entendit sur sa droite un sifflement doucement modulé. Obéissant aux instincts des hommes de sa race, il s'arrêta, bien que ce bruit n'eût aucune provenance suspecte. S'étant tapis derrière un gros tronc, il attendit un moment, puis avisant à terre un fragment de roche diorytique, il prit cette roche et en frappa quelques coups secs sur un des arcabas de l'arbre. Le sifflement se faisant entendre de nouveau, mais plus rapproché, Jacques quitte tardivement sa cachette et s'avance dans la direction d'où il est parti. Il débouche bientôt dans une clairière et se trouve tout à coup en présence d'un jeune homme de haute taille qui, un grand arc et un faisceau de longues flèches à la main, le regarde en souriant. L'Indien, en dépit de son flegme habituel, est brusquement surpris, presque effrayé. L'inconnu est pourtant d'aspect non seulement rassurant, mais encore fort engageant. Il peut avoir une vingtaine d'années. Sa figure, aux traits réguliers, énergiques, respire une expression de franchise, d'audace même, que tempère le regard un peu voilé de deux grands yeux noirs à fleur de tête, aux sourcils épais, aux longs cils. La bouche, meublée de dents éblouissantes, est entr'ouverte par un bon et cordial sourire. Une forêt de longs cheveux noirs, aux boucles d'ébène, s'échappe d'une petite taupe blanche, crânement inclinée sur l'oreille et ornée d'une plume noire de hoko. Des bras d'athlète, aux biceps énormes, sortent, brunis, dorés par l'ardent soleil de l'équateur, d'une petite veste sans manches, en tissu blanc analogue au tricot rayé du bleu des matelots. Le pantalon, de même étoffe, s'arrête aux genoux, laissant toute la liberté aux jambes musclées, proportionnellement aux bras, les pieds sont nus. Jacques fait en somme assez piètre figure avec ses membres grêles et lisses. Devant ce jeune homme à la taille imposante, aux muscles puissants, qui semble réaliser l'idéal de la force et de l'agilité. Il a entendu dire que l'on trouve sur la rive de l'Awa une tribu d'Indiens farouches qui n'ont avec leurs voisins nul contact. Ils sont blancs comme les hommes d'Europe, forts comme eux, enfin, ils ont de la barbe. On les nomme les Oyakoulés. La légende, grossie par la terreur qu'ils inspirent, leur attribue des actes inouïs de férocité. Jacques est d'autant moins rassuré que le visage de l'inconnu est agrémenté d'une barbe brune naissante, fine, duveteuse, une de ces barbes qui adoucissent les traits au lieu de les durcir. Enfin, bien que son épiderme ait contracté une teinte violente, fauve, couleur croûte de pain, l'Indien voit bien que ce n'est pas la nuance mate, sans transparence, qui caractérise la peau café au lait de ceux de sa race. « Si c'était un Oyakoulé, se dit le pauvre diable, osant à peine lever les yeux, incapable de proférer une syllabe. Le jeune homme rompit enfin le silence. « Eh bé, dit-il en employant le patois créole. « To cavini cotemo, to savez parler créole. » Un immense soupir de soulagement s'échappa de la poitrine du peau rouge. « Mais je parle français aussi, » s'écria-t-il radieux, en s'avançant, enfin rassuré, et en laissant tomber sa main dans celle que lui présentait son interlocuteur. « J'ai appris le français à Mana. J'ai été élevé par le docteur V, qui habite maintenant Saint-Laurent. » « Vous ne connaissez pas le docteur V ?» l'ami du commandant supérieur du pénitencier, ajouta-t-il, non sans une nuance de fierté. Le front du jeune homme s'assombrit à ces mots. Il répondit d'une voix sourde et comme altérée, en employant toujours le langage habituel au créole. « Non, je ne le connais pas. Je ne connais aucun blanc de la colonie. » Jacques, se rappelant soudain les horreurs de sa captivité, son enlèvement, les indignes traitements infligés par les forçats fugitifs, saisit de nouveau la main de l'inconnu en s'écriant avec une franchise et une émotion inusitées chez les Indiens. « Et moi, qui ne vous remerciais pas tout d'abord du service que vous m'avez rendu, Pardonnez-moi, vous, mon bienfaiteur, vous qui m'avez arraché aux mains des bandits. Grâce à vous, je pourrai revoir ma femme et mon père adoptif. Je vous dois la vie. Je vous appartiens comme à lui. » Chose étrange, c'était l'Indien, ordinairement taciturne, sobre de parole et peu susceptible d'élan qui parlait, tandis que le jeune homme, évidemment d'origine européenne, se taisait et conservait une impassibilité complète. Il y avait comme un chassé-croisé, une substitution d'habitude et de maintien. L'Indien vivant chez les Blancs s'était en quelque sorte francisé. Le Blanc menant la vie sauvage des habitants des bois s'était, pour ainsi dire, indianisé. L'un possédait la loquacité de ses parents d'adoption, l'autre conservait la taciturnité des autochtones de la zone équatoriale. Depuis que Jacques avait dit qu'il connaissait les Blancs de Saint-Laurent, un motif secret, très impérieux sans doute, semblait accentuer encore ce mutisme exempt d'ailleurs de froideur. Le Peau-Rouge, tout entier à sa reconnaissance, n'avait rien remarqué. L'immensité du service rendu lui interdisait toute question indiscrète. Si son bienfaiteur ne jugeait pas à propos de lui faire de confidence, c'est qu'il avait ses raisons et Jacques n'en demandait pas davantage. Il s'était remis en marche. L'inconnu s'avançait le premier, avec une agilité indiquant qu'il était depuis longtemps rompu aux pénibles pérégrinations à travers les grands bois. Il suivait sans hésiter une direction absolument rectiligne, sans même avoir besoin de chercher des points de repère, comme si tous les recoins de la sombre immensité lui eussent été depuis longtemps familiers. L'Indien ne pouvait assez s'étonner de cette force, de cette souplesse, de cette assurance devant laquelle il restait tout interdit, en dépit de sa subtilité d'enfant de la nature. Il ne pouvait comprendre une telle habileté chez un homme d'une autre race, et loin d'en être jaloux, il manifestait à chaque instant l'admiration que lui inspirait son compagnon. Un sourd grondement arrêta soudain le flux de ses paroles. Il chercha machinalement une arme absente et s'écria, tremblant, « Le tigre !» Le jeune homme sourit sans répondre et s'avança en sifflant. Un énorme jaguar, à la robe éblouissante, aux yeux luisants, à la gueule hérissée comme une palissade, bondit aussitôt, puis, à la vue du nouveau venu, fit entendre un ronron de chat en belle humeur, en présentant son front une caresse qui ne se fit pas attendre. Jacques, pétrifié, la bouche sèche, la langue paralysée, les yeux dilatés par l'épouvante, n'osait plus faire un seul mouvement. Le redoutable félin jetait de temps en temps vers lui un regard qui le faisait claquer des dents, et le pauvre diable croyait réellement sa dernière heure arrivée, en dépit du sourire encourageant de son mystérieux bienfaiteur. « La paix, Kat !» dit ce dernier, en employant une langue totalement inconnue à l'Indien. « La paix ! Cet Indien est un ami. Vous l'aimerez aussi, vous entendez ?»« À propos, » reprit-il en créole, « comment t'appelles-tu »« Jacques !» articula-t-il faiblement. « Eh bien, Jacques, mon ami, n'aie pas peur de Kat. Il est aussi doux qu'une biche. Liplidou passe cariacou. Allons, caresse-le un peu pour faire connaissance. » Jacques étendit machinalement une main moite et crispée. Le jaguar, en animal bien élevé, baissa la tête, s'allongea sur le dos et se mit à folâtrer. « Là, tu vois bien qu'il ne te veut pas de mal. Kat n'est méchant qu'avec les mauvaises gens. » Plusieurs voix joyeuses mais contenues se firent entendre derrière un rideau de lianes. Le jaguar s'échappa dans la direction d'où elle venait, suivi bientôt du jeune homme et de l'Indien un peu rassuré, mais toujours stupéfié de l'étrange familiarité de son nouvel ami avec le farouche quadrupède. Au milieu d'un pêle-mêle inouï de branchages fracassés, de troncs broyés, de lianes rompues, se tenaient immobiles 6 hommes, 5 blancs et un noir. Les blancs, vêtus à peu près comme le nouvel arrivant, était armé d'arcs, de flèches et de sabres grossiers. Celui qui paraissait le chef pouvait avoir 45 ans. Il avait avec le jeune compagnon de l'Indien une étonnante ressemblance. Même traits, mêmes yeux, même sourire bon et doux, même vigueur d'athlète. Mais les traits étaient fouillés, les cheveux blancs aux tempes, la barbe grise. Près de lui se tenaient 3 beaux jeunes gens, dont l'un, presque un enfant, âgé de 13 à 14 ans, avait déjà la stature et la force d'un homme. Les 2 autres avaient environ 16 et 18 ans. À leur air de famille, on les reconnaissait de prime abord pour les 4 frères, et celui qui les couvrait en ce moment d'un regard d'orgueilleuse tendresse pouvait se montrer fier d'une telle descendance. Le 5e était un homme de 32 à 34 ans, à la barbe blonde, fauve, emmêlée, aux pommettes d'un rouge brique, aux yeux bleus, à la figure un peu narquoise, mais franche et sympathique. Le 6e, enfin, était un vieux nègre, aux cheveux blancs de neige, ébouriffés, crépus, tordus, produisant un singulier effet sur sa bonne vieille face luisante et ratatinée. il semblait être parvenu aux extrêmes limites de la vieillesse, et pourtant, il évoluait encore avec rapidité, en dépit de sa jambe droite atteinte d'éléphantiasis. L'Indien marchait de surprise en surprise. Son compagnon s'avança rapidement vers le chef, en mettant un doigt sur sa bouche. On entendait à 100 mètres à peine le bruit produit sur la rivière par les forçats occupés à tracer leur chenal à travers les arbres abattus. « Père, » dit en anglais le jeune homme, « voici l'Indien. Il me paraît bon et honnête, mais ce n'est pas un Indien ordinaire. Puissions-nous n'avoir jamais à nous repentir plus tard du service que nous venons de lui rendre ?»« Mon cher Henri, » reprit doucement l'homme, « jamais il ne faut regretter une bonne action. Je sais bien que les Indiens ne pêchent pas par excès de reconnaissance, mais celui-là est si jeune. Sans doute, mais il vient de me dire qu'il avait été élevé par les Blancs de Mana, qu'il connaît particulièrement des fonctionnaires du pénitencier. Tu entends, père? Du pénitencier, ce lieu maudit qui nous fait verser tant de larmes, dont le nom me déchire aujourd'hui la gorge et où tu as tant souffert. Il m'a parlé de la joie qu'il aura de revoir sa femme ainsi que son bienfaiteur. Nous ne pouvons le garder éternellement avec nous, il retournera chez les Blancs, et qui sait s'il ne révélera pas notre secret? Voici donc notre sécurité compromise, et le mystère de notre retraite bien près d'être connu. Aussi, lui ai-je laissé ignorer notre origine française et l'histoire du passé. J'ai affecté de ne parler que le langage créole, commun à tous les habitants du pays, afin qu'ils ne puissent même pas soupçonner que nous ayons eu des rapports, quelque indirects qu'ils fussent, avec la France. Tu agis en cette circonstance avec le plus grand discernement, mon cher enfant, et je ne saurais trop louer ta prudence. Nous allons aviser. Ce jeune homme a certainement des choses bien importantes à nous raconter, ne fût-ce que la relation de sa captivité et du motif qui amène ces hommes dans un pays jusqu'alors inexploré. Nous continuerons donc jusqu'à nouvel ordre à nous entretenir en anglais quand nous aurons une communication secrète à nous faire. L'essentiel est accompli pour le moment, la route est barrée, le prisonnier délivré. Puisque ces inconnus nourrissent incontestablement de mauvaises intentions, nous allons leur envoyer la réserve de nos troupes. La leçon sera, je pense, suffisante pour que nous ne les revoyions de longtemps. « Casimir, » dit-il au vieux noir, « le moment est venu, mon ami, fais ce dont nous sommes convenus. » Le bonhomme radieux s'agita en clopinant sur sa jambe piédestale et dit « Ça même, compé, mot content, voyez toute bête à méchant Mounla, piti mouché sarl cavinicotemo. » Le plus jeune des quatre fils s'approcha de son père. « Tu veux bien, n'est-ce pas, papa, que j'accompagne Casimir ?»« Certainement, mon cher Charles. » « Casimir a fait de toi un charmeur passable. Je ne t'empêche pas d'utiliser tes talents. » Le vieillard et le jeune homme saisirent chacun une longue flûte indienne en bambou et disparurent bientôt dans la direction du nord-ouest. Pendant ce temps, l'homme à barbe blonde, qui n'avait rien dit, tout en ne perdant pas une syllabe de l'entretien d'Henri avec son père, prit la parole à son tour. « Vous savez, monsieur Robin, si je suis un homme cruel et si le sang me répugne, je sais, mon cher Nicolas, que tu es le meilleur garçon du monde. » Et que tu te ferais un cas de conscience de molester qui que ce soit. Où veux-tu en venir? À ceci, que ces quatre paroissiens-là sont les plus abominables coquins, parmi les coquins émérites dont cet estimable pays est la patrie d'adoption forcée. Leur peau ne vaut pas 4 sous. Ils viennent ici pour piller, brûler, voler et peut-être faire pire. À votre place, je n'en ferai ni une ni deux. Henri et ses frères manient l'art comme pas un Indien. Je leur commanderai d'envoyer à ces lascars-là chacun une bonne flèche de 2 mètres à travers les flancs. Voyez-vous, patron, morte la bête, morte le venin. Moi, je ne connais que ça. Tu as raison, en principe, Nicolas. Mais je réprouve absolument ces moyens violents, sauf, bien entendu, dans le cas de défense légitime. La vie humaine, vois-tu, est une chose tellement sacrée qu'elle est respectable même chez l'être le plus indigne. Il faut toujours laisser aux coupables le temps de se repentir et fournir, si l'on peut, aux criminels le moyen de s'amender. Mon existence a toujours été consacrée à ce principe, l'amour de l'humanité. Il ne m'appartient pas de m'ériger en arbitre suprême et de trancher du justicier. Je veux convertir, non châtier. L'homme, quelque misérable qu'il soit, est susceptible de repentir, et je ne veux pas que ce coin de France, créé par nous de toutes pièces, soit souillé d'une goutte de sang. Ces inconnus, dis-tu, ont de mauvaises intentions. Cela n'est hélas que trop visible. Mais crois-tu que l'épouvante causée par le subit écroulement des arbres ne suffit pas à leur démontrer la folie de leur entreprise? Que ces flèches mystérieuses qui les frappent quand ils veulent atterrir, et surtout cette terrible armée que Casimir va mettre en marche, ne les fasse à jamais renoncer à leur projet? Tiens, tu entends les flûtes de nos deux charmeurs. Dans quelques minutes, ces aventuriers seront en fuite et forcés, bon gré mal gré, de rebrousser chemin. Eh bien, qu'as-tu à répondre à cela ? Que vous avez raison, comme toujours, et que pour une fois, je crains bien de ne pas avoir tort dans la suite. Enfant, que peux-tu bien appréhender de leur part pour l'avenir ? Ils ignorent et notre nombre et notre nationalité. Le mystère qui nous entoure les éloigne bien plus qu'une attaque de vive force, et la puissance des moyens que nous venons d'employer pour leur barrer la route leur démontrera l'inutilité de nouvelles tentatives. Ils croiront avoir devant eux une tribu puissante, peu disposée à tolérer la moindre incursion sur son territoire. L'étrangeté de nos procédés de défense donnera naissance à une sorte de légende qui, colportée dans le voisinage, grossie par des gens affolés, se répandra de proche en proche et vaudra mieux pour nous que la présence d'un corps d'armée. Le duo de flûtes, éloigné d'abord, allait en se rapprochant. Les Européens et l'Indien pouvaient, par une éclaircie, apercevoir la formidable flottille s'avancer lentement, emportée par le courant. Les coups de sabre et de hache cessèrent. Ils entendirent les cris de terreur des aventuriers chassés par l'invasion des reptiles. Ils les virent monter dans leurs pirogues et s'enfuir épouvantés à travers la savane. « Tu vois bien, reprit Robin, que tout s'est passé selon nos prévisions. Nous voici pour longtemps, je l'espère, à l'abri de nouvelles incursions, à moins toutefois, ce qui est peu probable, que nos hommes ne s'avisent de revenir par l'intérieur des terres. Sinon, il leur faudra prendre d'assaut la citadelle et chasser la garnison que Casimir et Charles vont reconduire chez elles par le même procédé. Maintenant, interrogeons notre Indien, qui, je le vois, grille d'envie de nous raconter la série d'événements grâce auxquels, qui se trouvent sur le territoire jusqu'alors inviolé des Robinson de la Guyane. Jacques, on le comprend facilement, ne se fit pas prier pour dire ce qu'il savait sur ses ravisseurs. Sa confidence fut complète. Il raconta sa vie tout entière depuis le jour où le docteur V l'avait adopté jusqu'au moment où il rompit ses liens sur le rapide. Il ne fit aucun mystère de la connaissance qu'il avait du secret de l'or et de son intention de le révéler à son bienfaiteur. Des forçats avaient entendu sa conversation avec le docteur et le commandant supérieur. Il avait été enlevé par eux, emmené sur la rive hollandaise du Maroni et remis aux mains d'un homme plus brutal encore que ses complices. Celui-là était l'âme damnée de l'entreprise. Ses complices lui obéissaient aveuglément. Le proscrit interrogea longuement et minutieusement l'Indien sur cet homme, mais ils ne purent obtenir que des renseignements fort vagues. Jacques, n'étant venu que depuis peu de temps à Saint-Laurent, ne pouvait connaître ni l'ancienne position de Benoît ni sa radiation du cadre des surveillants. Il le regardait comme un transporté marron, ayant des intelligences avec ceux du pénitencier. « Mais son nom, insista Robin, ses compagnons avaient une façon de l'interpeller. Je ne l'ai jamais entendu appeler que chef. »« Chef, c'est l'appellation des surveillants. »« Je ne sais pas, répondit naïvement Jacques. Ils ne lui ont pas donné d'autre nom. »« Qu'importe d'ailleurs, c'est sans doute quelque force à évader. » Écoute, Jacques, tu vois ce qu'il en coûte de violer un serment. Tu as révélé, dans une excellente intention sans doute, un secret important que tu avais juré de garder, comme si l'or faisait le bonheur. Oh oui, interrompit l'Indien, revenu soudain à toutes ses terreurs, le secret de l'or est mortel. Je l'avais bien dit à mon père adoptif, mais je l'aime tant, il est si bon. Je le comprends. Et la reconnaissance que tu as voulu témoigner rendrait ton action excusable, si la violation de la foi jurée pouvait l'être. Mais crois-moi, sois discret à l'avenir et ne divulgue jamais la chose cachée. Jacques, nous t'avons arraché à tes bourreaux. Tu es libre de retourner près des tiens. Tu peux rester près de nous autant qu'il te plaira. Un motif impérieux nous force depuis longtemps à nous cacher ici. Nul ne doit savoir ni qui nous sommes, ni où nous habitons. Montrant les jeunes gens immobiles près de lui, ceux-là sont mes enfants. Tu verras bientôt leur mère. Celui-ci, il désignait Nicolas, est mon fils adoptif. Quant à ce vieux noir, je l'aime comme s'il était mon père. L'Indien, attendri, écoutait avidement ces paroles prononcées avec un incomparable accent de noblesse. Tu vois que nous ne sommes pas des méchants, et que le motif de notre exil ici n'a rien de répréhensible. Jure-moi donc, sur la vie de ton père d'adoption, jure-moi sur la vie de ta compagne que tu reverras grâce à nous, que jamais tu ne révéleras à aucune créature humaine le secret de notre existence. Le jeune Peau-Rouge sembla se recueillir un instant. Il saisit dans ses deux mains la main du proscrit, puis, d'une voix lente et grave, prononça les paroles suivantes. « Que mon bienfaiteur expire à l'instant, que la mort enlève à l'Emma, la perle des Aramichaux, Que Yolok le diable me prenne, si jamais ma bouche laisse échapper le mystère de votre vie, le lieu de votre retraite. » J'ai dit, l'esprit de mes pères a entendu. « C'est bien, je prends acte de tes paroles et je te crois. Mes chers enfants, nous n'avons plus rien à faire ici. En route pour la bonne mère. » Le jaguar s'étira paresseusement, prit la tête de la colonne, et les romassons de la Guyane, après avoir ramassé leurs armes, s'avancèrent en plein bois, en file indienne, suivis de leurs nouvelles recrues. Quelques lignes d'explication rapides que complétera l'intelligence du lecteur sont ici nécessaires. On se rappelle de quelle façon le proscrit, le Parisien Nicolas et Casimir, fortifièrent jadis le point découvert situé près de l'Anse aux Cocotiers. Cette espèce de défilé, enserré entre deux savanes marécageuses, donnait seul accès du côté de la rivière à l'étroit sentier conduisant à l'habitation de la bonne mère. Les trois hommes l'avaient hérissé de plantes vertes qui croissaient à profusion aux environs. Pendant cette longue période, les cactus, les euphorbes, les agaves, les aloès avaient fait merveille. Cette plantation offrait maintenant l'aspect d'un plan bastionné, d'une épaisseur de près de 100 mètres sur une longueur de plus de 200. Ni le fer ni le feu n'eussent pu avoir raison de ces feuilles épaisses, grasses, lourdes, enchevêtrées, hérissées de millions de dards épineux, et sous lesquelles vivait en paix une innombrable quantité de serpents de toutes sortes. De l'habitation située à mi-côte et enfouie sous les arbres, on avait vu sur le rapide, grâce à une petite éclaircie ménagée à travers la forêt, et dont il eût été impossible, même à un œil prévenu, de constater la présence. La crique étant la seule voie pour parvenir au territoire des Robinsons, il était tout naturel que ceux-ci aient pensé à fortifier ce point faible et aussi à le surveiller. L'on ne pouvait songer à défendre par le même procédé l'espace compris entre le rapide et l'anse aux Cocotiers. Les plantes vertes n'eussent pu croître dans ce terrain vaseux. Pendant les premières années, le lit de la crique fut obstrué par des arbres simplement jetés en travers. Ils pourrissaient après un temps plus ou moins long, et on les remplaçait en temps et lieu. Peu de temps avant l'époque où se passe la seconde partie du drame, le proscrit et ses fils s'étaient mis en demeure d'abattre de nouveaux arbres par leur procédé habituel qui dispense de tout travail, un brasier allumé au pied de chacun d'eux. Grâce à un phénomène assez fréquent, les arbres, enchevêtrés par les cimes, reliés les uns aux autres par les lianes, ne tombèrent pas, même après l'entière destruction de leur base. Ils restèrent debout sur leurs troncs charbonnés, maintenus en équilibre par leurs voisins. Comme cette portion de territoire se trouve abritée de tous côtés contre le vent, ils tinrent bon et se desséchèrent dans cette position. Il suffisait, si besoin en était, de couper les lianes qui les maintenaient comme les étaient les haubans d'un navire, pour les jeter à terre et même entraîner avec eux ceux qui leur prêtaient appui. C'est ce qui advint lorsqu'un beau matin, Henri, debout le premier, aperçut, de son œil d'enfant des bois, le campement des forçats qui s'élevait comme un trépied gigantesque sur les roches coupant la crique. On tint conseil et le jeune homme fut envoyé à la découverte. Grâce à sa prodigieuse habileté, qui eut dépassé celle d'un Indien rompu à toutes les ruses des habitants de la forêt vierge, il se glissa à travers les lianes et les herbes. Il s'approcha du campement, au point de voir les infâmes traitements infligés aux captifs et même de saisir quelques bribes de conversation. Sa mission d'éclaireur remplie, il revint à la case et l'on convint séance tenante d'empêcher le passage et de délivrer l'Indien par tous les moyens possibles. Tous les membres de la petite colonie, sauf bien entendu Madame Robin, arrivèrent en toute hâte vers la crique. Le temps pressait, les bandits allaient passer. Tranchés en quelques coups de sabre, les lianes accrochant le premier arbre mort fut l'affaire d'un instant. Puis, le premier moment de surprise occasionné par sa chute étant passé, comme les forçats allaient quand même continuer leur route, les sept hommes jouèrent leur batou et précipitèrent toute la rangée dans la rivière. Rien, enfin, ne pouvant avoir raison du farouche entêtement des aventuriers, Casimir proposa de leur envoyer le corps expéditionnaire que l'on sait. On se souvient que la rivière fait un coup de très brusque en face l'anse aux Cocotiers, de façon que la route de plantes vertes se trouve dans la ligne perpendiculaire à celle de la rivière. La nuit entière fut consacrée à la confection de radeaux en feuilles de moukoumoukou qui furent amarrés juste en face du repère des serpents. Le vieux noir eut soin d'y répandre à profusion une herbe qui les attire comme les chats la valériane. Quand tout fut prêt, les amarres furent larguées, le vieux charmeur, accompagné de Charles, son élève favori, attira les retardataires par sa musique, ainsi que ceux-ci, qui en raison de leur grosseur, n'auraient pu se tenir sur les feuilles. La formidable flottille sollicitée par le courant se mit bientôt en marche et s'amança, conduite comme les régiments écossais, par le joueur de pibroch. On a vu la panique produite par cette intervention de la réserve. Maintenant, reprenons notre récit. La troupe s'avançait rapidement, bien que le bois n'offrit pas le moindre vestige de chemin tracé. C'est que tous possédaient depuis longtemps cette faculté rare, si difficile à acquérir, nécessaire pour traverser les solitudes équatoriales. La course dans la forêt vierge est en effet moins une marche qu'une gymnastique. Le voyageur doit avoir un organisme de fer. La marche proprement dite est la moindre des choses. Bien qu'il doive être un incomparable piéton, ne lui faut-il pas franchir d'un bond une crique, escalader les troncs renversés, contourner les massifs épineux, trouer les rideaux de lianes, ramper sous les basses branches, enjamber les racines, éviter les vases molles, et quand la ligne vient aboutir à un cul-de-sac de verdure, à une impasse de broussailles, la rude et monotonie manœuvre du sabre d'abattu s'impose d'elle-même pour des heures, des journées quelquefois, à son bras courbaturé. À cette écrasante fatigue du corps, centuplée par une température de fournaise, se joint une terrible préoccupation. C'est celle de la direction. Où doivent aboutir tant d'efforts? Quel sera le résultat de ce formidable labeur? Un moment d'oubli, un tour sur lui-même, une chute, et le malheureux qui ne peut apercevoir le soleil, couvert par l'opaque muraille de verdure, s'en va en aveugle, revient sur ses pas, tourne indéfiniment dans la même enceinte, marche toujours, et finit par s'apercevoir qu'il est perdu sans retour. À moins d'un miracle, de la rencontre fortuite d'un Indien en chasse ou d'un chercheur d'or en prospection, c'est la mort. La mort a plus ou moins longue échéance, avec son lugubre cortège de fauves, d'insectes et de reptiles, son glas funèbre sonné sous l'immense coupole par les félins et les hurleurs, et que l'oreille de l'agonisant perçoit encore à sa dernière heure. Trop heureux s'il trouve une rivière que ses forces lui permettent de descendre jusqu'à l'affluent principal, jusqu'au fleuve. S'il a des vivres, si la fièvre ne le ronge pas, si l'invisible marais ne s'entr'ouvre pas sous ses pieds, peut-être aura-t-il la chance d'échapper à cette terrible destinée, mais il lui faut des provisions, sous peine de succomber aux atteintes de la faim, qui, je ne saurais trop le répéter, règne en souveraine maîtresse au milieu de ces stériles magnificences. Seuls peuvent évoluer sans crainte à travers ces solitudes les Indiens et quelques Blancs privilégiés, qu'un long et pénible apprentissage a familiarisé avec les mystères des grands bois, les points de repère apparents, les signes de reconnaissance paraissent manquer, et pourtant, grâce à une sorte d'instinct divinatoire, comparable à celui de certains marins, ils vont droit au but, sans dévier d'une ligne, guidés comme les vieux caboteurs bretons ou les navigateurs des îles Malaises, par cette espèce de double vue qui fait le marin et le batteur d'estrade. Tels les Robinson qui précédaient l'Indien avec une rectitude et une rapidité qu'il n'eût jamais soupçonnées chez les hommes d'une autre race. Aussi ne pouvait-il s'empêcher de témoigner son admiration à la vue de ce tour de force qu'il appréciait en véritable dilettante. « Oh, sablon, là ! Oh ! » répétait-il. Mais ce fut bien autre chose quand il déboucha dans la vaste clairière où s'élevait l'habitation de ses nouveaux amis. Il avait vu de puissants villages indiens, avec ses cases nombreuses, vastes, bien aménagées et renfermant tous les objets nécessaires à la vie de ces primitifs enfants de la nature. Quelques-unes étaient relativement luxueuses, et il s'imaginait que leur magnificence ne pouvait s'effacer que devant les seules habitations des Blancs de Saint-Laurent ou de Mana. Mais les Blancs possédaient des ressources inconnues aux Indiens. Ils avaient des ouvriers habiles, des bras nombreux, des instruments de toutes sortes, et les navires leur apportaient de France des objets que l'industrie créole n'eût pu créer. Tandis que les industrieux artisans dont les mains avaient improvisé ce confort, édifié ces merveilles, avaient nécessairement dû tirer tout cela des simples produits de la nature, modifiés, façonnés, transformés à leur usage. Quant aux plantations, le Peau-Rouge, expert en agriculture équatoriale, passait sans transition de l'étonnement à la stupeur. En effet, ses congénères, paresseux avec délices, ne travaillent, avons-nous dit, que talonnés par la faim. Le meilleur de leur temps se passe dans le hamac, soit qu'ils attendent que leur femme ait préparé leur repas, soit qu'ils digèrent ce repas à la confection duquel leur fainéantise leur interdit de prendre part. le défrichement et l'ensemencement se bornent à bien peu de choses. Quand ils ont jeté bas les arbres en coupant les troncs à 1 mètre de hauteur, brûlé les branches, confié à la terre les graines et les racines, ils ne peuvent ni ne veulent plus travailler. La bâtie est hérissée de chicots qui émergent du sol comme les pierres levées de Bretagne. Les troncs épars restent en quelque sorte vautrés au beau milieu des plantes alimentaires qui croissent pourtant comme par enchantement, tant est prodigieuse la fécondité de cette terre généreuse. Arrive la récolte qui semble un steeplechase, mieux encore l'invasion d'une bande de singes et non une moisson. Toutes ces denrées, sabrées, arrachées, coupées à la diable, sont emmagasinées pour la forme, ou plutôt jetées par brassées sous des carbets, où elles deviennent ce qu'elles peuvent en attendant le moment de la consommation. Les champs offrent donc l'aspect d'un absolu désarroi, et les cases indiquent l'absence complète de la plus vague intention d'ordre et de confortable. L'abatis, ou plutôt les abatis de ces libérateurs, offrait à l'œil de Jacques un aspect enchanteur dont il n'avait jamais pu concevoir l'idée. Et d'abord, la case, la maison d'habitation et ses multiples dépendances étaient sur un terrain complètement déblayé dont les herbes avaient été soigneusement arrachées. Non seulement une araignée crabe, mais encore un scorpion ou une fourmi n'aurait pu affronter cette surface aussi plane qu'un parquet de bois. Premier et inappréciable avantage dont il comprit d'emblée les conséquences. Puis, à travers ces vastes plantations, aux arbres magnifiques, pliant sous les fruits, s'étendaient de spacieuses allées, bien entretenues et permettant le facile accès des points les plus reculés de ces splendides vergers. Nulle trace de tronc ou de chicot depuis longtemps dévoré par le feu, ce puissant auxiliaire du colon. « Oh, ça blanc là !» répétait-il à satiété en évoquant par la pensée l'aspect des habitations indiennes. Il se rappelait, le pauvre diable, que la conquête d'un régime de bananes ou d'une charge de patates ne s'opère qu'en risquant de se rompre le cou, et en sabrant à tour de bras les plantes parasitaires sous lesquelles disparaissent celles qui servent à l'alimentation. Tandis qu'ici, l'air et la lumière circulaient à flot. Les arbres judicieusement éclaircis, suffisamment isolés, avaient acquis des développements énormes. L'on n'avait qu'à étendre le bras pour cueillir ces beaux fruits, si agréables à la vue, si savoureux au goût. Les Robinsons de la Guyane, familiarisés avec les merveilles de leur Éden, jouissaient de la surprise de leur nouvel ami, et cette innocente joie se complétait d'une légitime satisfaction d'amour-propre d'auteur. Mais, comme l'admiration n'empêchait pas la nature de reprendre ses droits, comme depuis fort longtemps le dernier repas était digéré, Nicolas prétendit qu'il faisait très faim, et sa déclaration ne souleva pas l'ombre d'une contestation. La petite troupe pénétra sous une véranda spacieuse, s'étendant devant la façade nord de la case, et le Peau-Rouge, qui marchait d'extase en extase, entra, présenté par Henri, son libérateur. Une femme apparaissait en même temps sur la grande tache noire formée par l'ouverture principale, et souriant à tous, radieuse, les bras ouverts, les confondit dans un regard d'une tendresse infinie. « Mère, cria le jeune homme, je t'amène un nouveau Robinson. »« Qu'il soit le bienvenu, dit-elle doucement à l'Indien, qui, honteux, confus de sa demi-nudité de sauvage, baissa les yeux et fit mine de s'enfuir. « Voyons, mon ami Jacques, » dit Eugène, l'espiègle de 17 ans, « ne va pas faire l'enfant. Viens avec moi. Je vais te donner un de mes vêtements. Cela t'ira comme un gant. Tu ne sais pas ce que c'est qu'un gant, n'est-ce pas? Moi, je l'ai à peu près oublié. Il y a 10 ans que je n'en ai vu. N'importe. Tu seras à merveille. » Henri avait parlé de t'habiller, mais tu penses bien qu'il en faudrait 2 comme toi. Soit dit sans t'offenser, pour remplir sa veste. C'est un rude gaillard que monsieur mon frère, tandis que moi je ne suis qu'un gringalet. Eugène se calomniait. Il était vraiment impossible de rêver un plus admirable corps d'adolescent. Jamais la force unie à la grâce n'avait pu être plus étroitement alliée. Il disparut un moment en compagnie de Jacques, pendant que Edmond, son aîné de 2 ans, racontait à madame Robin l'expédition de la journée dans tous ses détails. Edmond était à son aise. Il avait à parler des exploits de son frère, Henri, qui l'adorait, sans pour cela faire tort à ses autres frères, et le brave enfant s'en donnait à cœur joie. L'heureuse mère écoutait, ravie, le récit de ses aventures presque incroyables, exposé avec une netteté, une précision et une élégance qui en augmentaient encore l'intérêt. Jacques rentrait en ce moment costumé en Robinson, et il avait réellement fort bonne mine dans son nouvel habillement. On se mit à table. Les convives firent honneur à un repas abondant, servie dans une vaste salle ouverte des deux côtés et que rafraîchissait une légère brise venant de la vallée. L'Indien marchait d'étonnement en étonnement. Tout le stupéfiait dans cette étrange habitation. Non seulement ses hôtes, mais encore l'ameublement, le service, la cuisine. Et ce jaguar évoluant familièrement entre les jambes des convives, quêtant ici un os qu'il croquait avec la sensualité discrète et les petites mines friponnes d'un chat, récoltant une caresse ou une légère pitchonnette, quand il s'avisait de gourmander un énorme tamas noir, affectueux aussi, mais maladroit dans ses élans de convoitise ou de sympathie. Et ces singes, aux mines effrontées, dont les petites pattes noires et agiles venaient jusqu'au milieu de la table, subtilité avec la dextérité de prestidigitateur, un fruit ou une baie, et ces pâtiras, aux poils rudes, broussailleux, dont le nez en écu de 6 francs se contractait si drôlement, en attendant la provende bi quotidienne, et ces légions d'agamis, ces bandes de bocaux, ces troupes de marailles, ces vols de perdrix, ces nuages de perroquets et d'aras. Volatiles et quadrupèdes vivaient d'ailleurs en parfaite intelligence. C'était merveille de voir le tamas noir, le bon Michaud, faire des efforts inouïs pour promener sa langue ronde et contractile au fond d'un plat, où elle rencontrait toujours le groin agile mais indiscret de certains pâtiras qui lapaient en un moment les reliefs des maîtres. Les agamis audacieux venaient allonger leur long bec emmanché d'un coup plus long encore, à travers ce fouillis de pattes et de museaux avides, et emportaient le morceau dérobé à leurs amis les hocos, retenus à quelques pas de là par un reste de timidité. Bien que souvent les Indiens vivent ainsi familièrement avec les animaux de la forêt, qu'ils domestiquent grâce à leur inaltérable patience, Jacques n'avait jamais rien vu de comparable à ce tableau si étrangement curieux. Quant au mets, ils lui étaient, et pour cause, familiers, mais leur assaisonnement et leur apprêt le déroutaient complètement. Ils étaient servis à l'européenne, dans des plats et des assiettes de forme élégante, quoique l'argile en fût grossière. Mais il y avait des fourchettes, des couteaux et des cuillères. Il n'ignorait pas ces raffinements, et il savourait du meilleur appétit les produits quintessentiels de la cuisine civilisée. Il était pourtant songeur à la vue d'un morceau de viande grillée, tendre, fraîche, savoureuse et comme fondante. Cette chair de haut goût était exquise, et pourtant il lui trouvait une saveur inaccoutumée. Nicolas, son voisin de table, se chargea de le tirer d'embarras. Le Parisien, réfractaire à l'étude des langues, était parvenu pourtant, à force de patience et grâce à son amitié pour Casimir, à parler facilement le créole. Mais au lieu d'exprimer sa pensée et de construire ses phrases comme tous ceux qui emploient cet idiome, il entremêlait ses vocables indigènes d'expressions et de tournures bizarres exportées du faubourg. Cette adaptation de parisianisme au langage équatorial était parfois d'un comique inénarrable. « Oui, je sais, ça vous étonne. La viande a un drôle de goût, mais c'est un beefsteak. » « Non, » répondit naïvement Jacques, « ça, oco. » « Mais oui, nous avons raison tous deux. Ça, beefsteak oco avec morceau d'y beurre et morceau d'y poivre. Vous avez du poivre, vous, Indien, et vous ne vous servez que de piment. Nous autres Robinsons, nous recueillons ce poivre, nous l'écrasons dans un mortier, nous saupoudrons délicatement nos viandes grillées, et alors, li bonbon. Nous avons aussi du sel. Oh, sel, interrompit Jacques, les yeux ardents de convoitise. Pas fameux, notre sel. Nous retirons ça des cendres d'un palmier, le paripou. On le brûle, on lave ses cendres, on évapore l'eau, et on a un sel alcalin. Edmond, qui est très fort en chimie, vous expliquera le procédé. Tout ce que je puis vous dire, c'est que nous nous en contentons, faute d'autres. Je vous disais donc que le beefsteak, une fois grillé, se servait avec un bon morceau de beurre frais. Que ça, bête là, beurre? Comme qui dirait une variété de saindoux qui pousse ici sur les arbres. Mot pas savé, saindoux il vinit dans bois de fer blanc. C'est étonnant, messieurs les Indiens, reprit avec une sorte de suffisance le Parisien, comme vous ignorez les ressources de votre pays. Voyons, dit Nicolas, dit à son tour Henri, un peu de tolérance. Tu te plais à embarrasser notre hôte, et tu serais à ton tour peut-être bien gêné, si tu devais lui donner par le menu le nom et la famille de cet arbre à beurre, qu'il connaît peut-être aussi bien que toi, mais sous un autre nom. Tu crois, dit-il triomphant. Eh bien, mon cher Henri, c'est ce qui te trompe. Je suis ferré à glace là-dessus, ferré à glace, si on peut dire ça ici, comme les vieux mots vous reviennent. Il y a pourtant bien des années que je n'ai vu de fiacre s'abattre sur le verglas. Bref, le beurre végétal est produit par le bambou, par le cacao, par le coco, ou encore par un arbre appelé bassia. Pas possible ! S'écrièrent d'une seule voix tous les Robinsons surpris et charmés. Oui, Bassia Boutiracoea. Mon Dieu, que ces mots sont donc difficiles à arracher. On l'appelle aussi beurre de galam. C'est un végétal originaire de l'Inde, introduit depuis longtemps ici. Vous savez comme moi qu'on extrait des graines fraîches. Lit bonbon dans beefsteak coco, ajouta-t-il malicieusement. Bravo, bravo ! S'écrièrent les quatre frères et leur père ravis. Mais où as-tu appris tout cela ? À quelle époque ? Dans les livres, mes amis. Vous me demandez quand ? Un peu tous les jours, ou plutôt toutes les nuits. J'ai étudié la grande encyclopédie que vous avez faite en collaboration sous la direction du meilleur et du plus brillant des professeurs, votre père. Que voulez-vous ? J'avais le regret, sinon la honte, de mon ignorance. À Paris, j'aurais pu suivre des cours d'adultes et grappiller quelques heures le soir. Ici, dans les premiers temps, nous avions fort à faire. Vous étiez si petit. Le temps me manquait pour suivre vos leçons et je m'endormais assommé par le travail du jour. Mais depuis, j'ai fait l'impossible pour attraper les instants perdus. Je n'ai rien voulu vous dire et j'ai feuilleté vos beaux manuscrits en feuilles de Mao. Vous avez été mon école du soir. Robin, ému, sentait des larmes d'attendrissement lui monter aux yeux. Sa robuste nature, pétrie de tendresse et de souffrance, avait l'exquise sensibilité. Puis, il comprenait, lui, l'homme fait, bien mieux que les enfants, combien avait dû être énergique les efforts de cet écolier de 33 ans, sans instruction première, pour arriver à s'assimiler silencieusement à la dérobée les principes d'une science ardue dont nulle étude préparatoire n'avait pu lui donner la clé. Le Parisien appartenait aussi à cette vaillante pléiade d'artisans affamés de savoir, qui, après les heures écrasantes employées au labeur donnant le pain, trouvent encore le temps et la force d'arracher ses secrets à l'étude et deviennent les ouvriers sublimes de la pensée. Le proscrit avait le respect des travailleurs. Comme tous les hommes de cœur, il les aimait. Il admirait et appréciait les efforts héroïques de ceux qui, par leur indomptable volonté, réussissaient à conquérir ce trésor hélas refusé à leur enfance déshéritée. Aussi, fût-ce avec une sorte de solennité, pleine d'affectueuse déférence, qu'il se leva, vint serrer la main de Nicolas et lui dit « Merci. Merci pour moi, ton professeur sans le savoir, et surtout pour les travailleurs dont tu représentes si bien la vaillance et la courageuse abnégation. » Le brave garçon balbutiait, tout rougissant d'entendre cet éloge dont il appréciait la valeur dans une telle bouche. Les jeunes gens, tous fiers de leur ami, renchérirent encore sur les compliments de leur père. Ce fut un instant de bien douce joie qui lui payait au centuple le Parisien de ses peines et de ses veilles. « Mais, voyons, reprit Henri, tu nous dis que tu feuilletais la nuit nos manuscrits de Mao. Cela nous semble un peu fort. Tu es donc arrivé à te passer de sommeil ? Pouah ! Je faisais la sieste dans le jour, et d'ailleurs, les nuits sont si longues. Par exemple, j'ai fait une rude consommation de bougies. Il est vrai que j'avais les ressources de dépouiller ce végétal que j'appelais autrefois arbre à chandelle. Vous ne sauriez croire la joie que j'ai éprouvée quand j'ai pu savoir le véritable nom de cet arbre dont nous avons si souvent mis fond dans les baies grosses comme des balles de calibre, et qui nous donnait un cinquième de leur poids d'excellente cire jaune. Eh bien, ça s'appelle le cerier Okuba. Je vois encore le nom écrit par Eugène. C'est en haut de la page, avec une rature. Mais alors, cette idée était venue comme cela, tout d'un coup ? Oh, il y a bien longtemps déjà. Je me trouvais si niais, quand je croyais trouver ici toute chose sur les arbres, sans savoir que la plupart d'entre eux avaient été importés ici. Puis je vous ai entendu dire il y a un an, pendant l'avant-dernière saison des pluies, que jusqu'à présent vous ne croyez pas à l'existence d'un traité de botanique renformant cette importante division. Ces arbres indigènes et ces arbres introduits, cela m'a mis, comme on dit, la puce à l'oreille. Et comme vous avez commencé avec les enfants cet important travail, je me suis acharné sur ce que vous avez écrit déjà. C'est parfait, mon cher Nicolas. Et tu te souviens vraiment de ces noms baroques ? Comme de mon pater. Les Robinson, une fois sur leur terrain favori, se piquèrent d'émulation, et ce fut un véritable feu roulant de demandes et de réponses dont l'ingénieur, en arbitre impeccable, contrôlait l'authenticité. « Le manguier, » s'écria Charles, « à tout seigneur, tout honneur. Manguifera indica, venant par conséquent de l'Inde, » interrompit Eugène, « très bon à manger, la mangue, quand on est habitué à sa saveur de térébenthine. Et le giroflier, dont la culture a rendu jadis la Guyane si prospère. Cariophyllus aromaticus, apporté des Moluques en 1780 par M. Poivre, gouverneur de l'Île-de-France. Te rappelles-tu, Nicolas, ton effarement, la première fois que tu as entendu parler du savonnier ?« Sapindus saponaria », riposta imperturbablement le Parisien. « C'est le bois de Panama. Les écorces moussent comme le savon, dont elles ont la propriété, ainsi que les baies, dont les noyaux servent à faire des colliers. » Tout cela est fort bien, mais vous ne sauriez imaginer la stupeur qui m'a saisi la première fois que j'ai entendu le nom de ces confitures aigrelettes et si agréables que nous mangeons en ce moment. Ah oui, le carambolier. Avouez que ce mot qui nous arrive, entouré de senteurs et de bruits d'estaminet, est pour le moins baroque. Dire qu'on lui a donné aussi des noms latins. Averroa carambola, encore un qui nous vient de l'Inde. Et le cannelier, le cinnamomum lorokea, qui vient de Ceylan. Pendant que nous y sommes, n'oublions pas le muscadier, originaire des Moluques. Encore un de mes étonnements. Je serais passé à côté de ce bel arbre sans me douter de son nom. Comment, en effet, supposer que cette petite noix de couleur bise, que l'on voit en France dans des bocaux et semblable à des billes, est renfermée dans une première enveloppe sèche, puis que sur celle-ci serpentent comme de petites branches de corail rouge vif et que le tout se trouve au milieu d'une espèce de gros abricot. J'allais, mes chers amis, commettre un impardonnable oubli. Les arbres à pain. Vous rappelez-vous mon dépit de Robinson nouvellement établi, quand je fis connaissance avec le jacquier, un Brésilien, celui-là? Quand j'appris que l'arbre à pain igname, Artocarpus inquisa, était originaire de l'Océanie, ainsi que son frère, l'Artocarpus séminifère. C'est vraiment une chose charmante que l'étude. Quant au bananier, ça m'est égal qu'il soit ou ne soit pas originaire de l'Inde. C'est un bel arbre, je ne dis pas, mais je ne peux pas souffrir la banane. Tiens, ça me rappelle une drôle d'histoire. Je me souviens avoir lu que des créoles se balançaient indolemment dans leur hamac, accrochés aux branches d'un bananier. Pas possible, tu plaisantes. Je plaisante si peu que c'est dans je ne sais plus quel ouvrage de M. de Chateaubriand lui-même. Je me demande, il a vu que les bananiers ont des branches. La dissertation continua longtemps encore, et le dîner s'acheva avant qu'elle fût terminée. L'Indien, qui avait été la cause occasionnelle de ce cours à bâton rompu de botanique équatoriale, écoutait sans mot dire, peut-être sans beaucoup comprendre, mais avec une inaltérable patience. Casimir riait de son bon rire de noir en voyant ses chers enfants heureux. Ils étaient lancés et ne s'arrêtèrent qu'après avoir épuisé leur nomenclature et avoir recouru plusieurs fois à la compétence de leur père. Ne les suivons pas aussi loin et finissons en quelques mots relatifs aux poivriers, originaire de l'Inde, au dragonnier, qui produit l'admirable résine rouge connue sous le nom de sang-dragon, au tamarinier, à l'aouara d'Afrique, au cocotier d'Océanie, au pommier rosa, au pommier cythère, etc., et surtout au caféier, pour passer brièvement en vue les arbres fruitescents spéciaux à la Guyane. On verra que si la terre équinoxiale, avec sa prodigieuse fertilité, est un véritable lieu d'élection pour tous les végétaux des zones chaudes, un nombre bien restreint d'arbres aux fruits alimentaires sont originairement sortis de son sol. Non seulement les fruits, mais encore les légumes, choux, salades, céleri, carottes, navets, giraumons, concombres, melons, pommes de terre, etc., ont dû y être introduits, ainsi que le maïs, le sorgho, le millet, sans oublier l'incomparable canne à sucre. Comme compensation, quelques fruits, qui, sauf l'ananas, sont un manger aussi peu agréable que peu substantiel, et dont l'on se contente parce que depuis longtemps la bouche desséchée a oublié la saveur délicieuse des fruits européens. La pomme cannelle, la barbadine, la caïmite ne sont que des amas de pépins englués d'un mucilage grisâtre et enfermés dans une pulpe spongieuse. La sapotille, une poire-blette insipide, la goyave, rempli de granulations, est généralement habité par les vers. Quant au corossol, à la maritambou, au corisson, ils sont assez recherchés, bien qu'ils offrent plus à grignoter qu'à mordre. Mais il sera beaucoup pardonné à la Guyane, par les colons et les naturalistes, grâce à la plantureuse hospitalité qu'elle a offerte aux végétaux les plus divers, et aussi parce qu'elle a enfanté non seulement le manioc, l'igname et la patate, mais encore le cacaoyer. On verra dans la suite que les Robinson avaient réussi à préparer d'excellents chocolats. Ils n'avaient eu dès le début qu'à éclaircir la plantation de cacaoyers trouvée dans leur splendide verger, et qui depuis longtemps abandonnée à elle-même, avait pris l'apparence échevelée d'une forêt vierge. La consommation du chocolat ne faisait d'ailleurs aucun tort à celle du café. Le café de la bonne mère était exquis. il pouvait rivaliser avec celui de la montagne d'argent, un cru guyanais qui ne cède en rien au moka et au rio nuné authentique. Le repas terminé, Nicolas offrit amicalement une cigarette à Jacques et alluma lui-même son papelito de Mao. « Eh bien, qu'est-ce qui te prend donc ?» dit-il, surpris en voyant l'Indien tressaillir, puis se lever brusquement à l'aspect de Madame Robin qui entrait à ce moment. « Oh » fit-il éperdu, en désignant d'une main tremblante la cafetière portée par la femme du proscrit. « C'est de l'or. »« Sans doute, c'est de l'or. De l'or massif, au premier titre. Sans alliage, surtout. Ça n'est pas poinçonné. Ça vaut pourtant 3 000 francs le kilo, comme un liard. » Le café d'ailleurs très bon, dans une cafetière en or. Jacques semblait en proie à une émotion indescriptible. Ses dents claquaient, son front ruisselait, sa poitrine haletait. « Vous connaissez le secret de l'or ? » articula-t-il péniblement. « Un vrai secret de polichinelle. Quelques beaux morceaux de quartz que nous avons rencontrés en nous promenant, comme ça, à la bonne franquette. Nous avons broyé ça au pilon, puis nous l'avons mis fondre dans notre fourneau. J'ai tourné un moule. Et le patron a coulé la cafetière que Madame Robin a bien voulu accepter. Mais nous avons encore d'autres ustensiles également en or et façonnés par le même procédé. L'or, ce n'est pas ça qui manque ici. Et c'est bien le moindre de nos soucis. Nous nous en préoccupons un peu moins qu'un poisson d'une pomme. Ah, si c'était du fer ou de l'acier. Vois-tu, mon camarade, 100 grammes d'acier nous ont donné plus de mal à fabriquer que plusieurs kilos d'or à extraire. Oh, mes amis, mes bienfaiteurs, prenez garde alors. « Le secret de l'or est mortel !» râla l'Indien d'une voix étranglée.